Dancer on the Beat. Emmenez la sauce. On sait comment faire bouger vos têtes des épaves. Petite mélodie, moi maintenant tu es fan. On est là pour se jaillir, pas le temps de science. Tu connais la danse. Allez, dala, dala, dala. Dala, bouger, c'est que dala. Dala, dala, dala. Dala, comme maman, go dala. Dala, dala, dala. Dala, bouger, c'est que dala. Dala, dala, dala. Dala, comme maman, go dala. Petite mélodie, je suis dans ma nezo, je suis sur le teco, je gratte au télo. J'ai pas le temps, je veux mes lots. Pas besoin de fumer du bédo. Ma petite, rejoins mon équipe. Si tu veux du lait dans ta petite. Chez nous, rovers, eux sont à vélo. C'est pas sorcier, on connaît la sauce. Pourquoi tu te comportes de la sorte? Je viens si t'es jaloux, on ferme la porte. Et ouais, tu sais pas, t'arrives à notre faute. C'est maudit, ils sont pas nos potes. Ils font rapporter. Faut pas nous fâcher. AK-47 à porter. Et puis si tu nous cherches, toi là, toi là. Et puis t'en es pas là, pas là. Côté ce qu'on t'a là, t'as là. On fait les jazz, on fait la mala. Et puis si tu nous cherches, c'est toi là, t'as là. Et puis t'en es pas là, pas là. Côté ce qu'on t'a là, t'as là. On fait les jazz, on fait la mala. On est la sauce. On sait comment faire bouger vos têtes et c'est pas sorcier. Petite mélodie, moi maintenant tu es fan. On est là pour s'enjailler, pas le temps de science. Tu connais la danse. Allez, t'as là, t'as là, t'as là. T'as là, bouger, c'est que t'as là. T'as là, t'as là, t'as là. Dala kuma mago dala, dala dala dala, dala kuje zeki dala, dala dala dala, dala kuma mago dala. On connaît la sauce, on connaît la portée, inspiration faut pas forcer. Dieu m'a donné, on connaît la sauce, on connaît la portée, inspiration faut pas forcer. Dieu m'a donné, yeah. On connaît la sauce, on connaît la portée, inspiration faut pas